week-end. Bon week-end. Sur Galaxy. Bienvenue dans le Background Noise avec Sharkam sur Galaxy. We'll be right back. Sharkam sur Galaxy. We'll be right back. Sharkam sur Galaxy. We'll be right back. Sharkam sur Galaxy. Yeah. Sharkham sur Galaxy.

the damn. Long is much too bright. See it, tell me then why you... Shaka. Charcam sur Galaxy.